Salut Charline. Alors Alex, méfie-toi, attention, aujourd'hui on ne reçoit pas n'importe qui. Ah, c'est qui? C'est Jean-Michel Ribes. Pourquoi je me méfie, moi? Ben, Jean-Michel Ribes, c'est un des meilleurs auteurs de dialogue. Ah ouais, je vois. Ben oui, donc quand t'écriras la conférence de rédaction de début d'émission, il va falloir t'appliquer là-dessus. Voilà, quoi, c'est Alex qui écrit nos textes? Ah, mais c'est lui qui me fait passer pour une idiote. Oui, enfin, bon, alors qu'est-ce que je fais pour être à la hauteur de Ribes? Ah ben, Jean-Michel Ribes, c'est l'absurde, c'est la créativité, c'est la mise en abîme. Je peux éventuellement prendre une RTT. Non, tu vas trouver une idée originale surtout. Bah ouais, tu pourrais écrire un texte où je dis un truc pertinent. Non, les gens vont être déstabilisés. Je propose qu'on fasse une conférence de rédaction dans laquelle on parle de la difficulté d'écrire le sketch parce que Jean-Michel Ribes est l'invité justement. Oh, la mise en abîme, ok, je vois. C'est créatif, c'est absurde. Moi, j'ai rien compris. Tu m'étonnes que tu joues toujours l'idiote. En fait, si tu veux, Alex va écrire le texte du début. Mais le thème de ce texte sera l'écriture même du texte. Voilà. T'as compris? Non. J'ai eu peur. Bon, c'est pas grave, c'est le bon axe. Parce que depuis que t'es arrivé, Charline, je suis désolé, on parle que du texte de début. Bah oui, t'as raison. Non, mais en vrai, les sketchs de conférence de rédaction, ils sont jamais loin de la vie du bureau. Sauf que certaines personnalités sont quand même plus caricaturales dans le sketch que dans la vie. Tu comprends? Bah toujours pas. C'est pas grave, je vais écrire, tu liras le texte, on fait comme d'habitude. Tu sais quoi, Alex? T'as qu'à me donner le rôle de l'idiote, comme ça, si je comprends pas la mise en abîme, et bah c'est pas grave. Bah voilà, c'est ça. Oui, c'est une bonne idée, ça. Amis du théâtre, bonsoir et bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui lâche l'actualité dans le vide. Et voici les trois informations qui vont choir lestement jusqu'à 18h. La primaire, c'est mal embarqué. Les partis, c'est foutu. L'homme providentiel, on n'y croit plus. Mais alors qui pour nous représenter? Qui, surtout quand la démocratie cède à la loi du plus fort? Vous me voulez comme chef? Oui. Voici mes lois. Pas de meurtre. On s'attaque aux grands. Le gouvernement prévoit de créer un congé pour bénévolat de 6 jours par an, car en chaque travailleur sommeille un scout. J'ai une bonne nouvelle. Madame de Nectin prend un stand. Elle fera pâtisserie fruits rouges avec ses deux filles et sa belle-sœur. Hier, 3000 personnes se sont rassemblées au Puy du Fou pour apercevoir l'anneau de Jeanne d'Arc, arraché aux mains des Anglais par le preux Philippe de Villiers. Voici comment il a procédé pour ramener l'anneau à la France. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et je suis venu te la donner. Et je suis accompagnée de celui qu'on a arraché à la Belgique ce matin, mais qu'on a caché nulle part. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline, vous êtes d'accord? Le choix des sons pertinents, comme à chaque fois, on félicitera toutes nos équipes. À 17h20, si elle s'intéressait au sport, elle serait capable de citer tous les joueurs de l'équipe néo-zélandaise de curling, mais serait incapable de vous dire qui est Lionel Messi, sauf qu'elle s'intéresse à la musique. Bonjour Mélanie Bauer. C'est qui Lionel Messi? Ben voilà, je le savais. C'est qui dont vous allez nous parler? On va suivre Barack Obama aujourd'hui, on va à Cuba. Musique cubaine. À 17h30, quand il passe la porte d'un lieu avec son micro France Inter, les gens transpirent, d'où son surnom, le sauna de l'interview. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je me suis rendu hier au grand congrès de l'UDI. Et oui, je vends du rêve, je sais. Et j'ai rencontré des militants UDI pleins d'espoir. On va essayer de faire en sorte que de l'immobilisme sorte une petite lumière UDI. Oh la beauté. La beauté du militant UDI. Et à 17h40, en tant qu'acteur, il mériterait le Molière. Et en tant que chroniqueur, il mériterait le Vizorek du meilleur espoir masculin. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex. De quoi on va parler? La culture de gauche. Oh là là, c'est tout un programme. Un marronnier. Nicolas Demorand, range ta première heure. Le référent de la République qui préside cette émission est né sous l'intérim du président de l'Assemblée de l'époque, Vincent Auriol. Vous fondez votre première compagnie de théâtre dès l'âge de 20 ans, en 66. C'est l'année où débute à la télévision Au Théâtre ce soir. Vous créez la série Palace en 88, quand vient au monde la fille du prince Andrew, Béatrice, princesse d'York. Tout le monde s'en fout. Vous êtes nommé directeur du Théâtre du Rond-Point en 2001, quand est fondé le Conseil National de la Sécurité Routière. Vous savez que vous arriviez, c'est sûr. C'était mon rêve. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire. Jean-Michel Ribes. Mais évidemment, oui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jean-Michel Ribes, auteur et metteur en scène du spectacle Par-delà les marronniers au Théâtre du Rond-Point, donc, où est allé voir Vizorek, voir plutôt la pièce. J'ai compris que c'est pas à moi que vous passiez la parole. Par-delà les marronniers, sous-titré revue avec le E entre parenthèses, parce que oui, la forme est assez particulière. Jean-Michel Ribes, expliquez-nous un peu ce que vous avez voulu faire avec cette revue. Particulière, oui, parce que voilà, ces trois... ces trois, disons, résistants à la barbarie de la civilisation, ces trois personnes qui se sont dit 2500 ans de civilisation pour faire 11 millions de morts en 14-18, on arrête tout. Il faut bien expliquer qui sont ces trois personnages qui arrivent tout de suite, ça ouvre sur j'arrive. Eux. Ouais, il arrive. Je lui demande de parler de la forme, il me parle du fond tout de suite, mais... Non, non, c'est Jacques Vacher, le premier, qui est un jeune dadaïste nantais qui a cette particularité d'avoir été interprète dans l'armée anglaise et l'armée française en 14 et surtout d'avoir écrit 24 lettres à un petit docteur, un petit étudiant en médecine qui s'appelait André Breton et qui est devenu André Breton par ces 24 lettres qui étaient tellement folles, tellement extraordinaires que cela a surréalisé. Et il a dit Jacques Vacher est l'homme le plus important de ma vie et il est devenu André Breton. Ça, c'est le premier. Ces trois personnes ont vraiment existé. Ces trois personnes ont vraiment existé. La deuxième qui a vraiment existé, puisque vous voulez que je précise ça. Moi-même, ça m'a surpris. Je ne connaissais pas ces gens qui sont importants dans le monde. Mon but est de surprendre. Le deuxième, c'est Arthur Cravant, qui est le neveu d'Oscar Wilde, en vérité, type de 2m10 de haut, boxeur et poète, boxette power, comme on veut. Et il boxait avec des gants remplis des boucles de ses maîtresses. Il ne veut qu'avec ça. Oui, mais si. Ah, oui. Elle était surprise aussi. Et c'est quelqu'un qui était parti, qui a écrit une revue qui s'appelait Maintenant, qui vend dans une petite poussette dans la rue, et qui refusait la guerre, et de se faire casser les gueules par un obus allemand ou français. Donc il est parti, et il a défié folie pour se payer un voyage à New York. Il a défié le champion du monde de boxe qui s'appelait Jack Johnson à Barcelone. Il s'est fait casser la gueule en 3 minutes et demie. Il a gagné de l'argent, il a pris le bateau, il est allé à New York où il a fait une conférence sur le dadaïsme complètement fou, ivre mort et nu. Il a piqué la femme de Duchamp qui s'appelait Mina Loy. Et il a fini après fuyant au Mexique, perdu, prenant une barque et disparaissant, on le revoit jamais. C'est extraordinaire, mais le coup de la boxe, je n'y croyais pas, parce que poète et boxeur, c'est relativement étrange. Et j'ai vérifié, il y a des affiches de l'époque, c'est complètement fou. Et donc le troisième, parce que... Et le troisième, c'est Jacques Rigaud, qui est un peu plus connu, parce que Brieux La Rochelle a fait son meilleur roman, qui s'appelait Feu Follet, dont il était le héros. C'était quelqu'un qui était le secrétaire d'un peintre qui s'appelait Jacques-Émile Blanche, qui était un type qui adorait l'argent, qui ne... pensait Coluche, qui disait qu'à chaque fois qu'il voyait passer une Rolls-Royce, sa vie s'augmentait d'un quart d'heure. Il a épousé une très riche américaine, il a fini parce que sa vie était extrêmement, gourmande de tout, et la vie et son existence est trop petite, et la réalité est infiniment étouffante. Il a fini par se tirer une balle dans le cœur. Les trois sont morts, mais ils ne sont pas morts tristement, ils sont morts pour fuir une réalité détestable. Et ces trois personnes, il fallait les faire parler, et là, vous avez laissé aller votre créativité, outre la vérité de l'histoire. Après, il parle énormément en aphorismes, il parle énormément à la salle. J'avais envie de vous demander, c'est un peu question France Culture. Mais allez-y, si vous avez des envies, allez. Par rapport à quel peintre on peut comparer l'écriture de Jean-Michel Ribes par rapport à ces trois personnages-là? Ah oui, vous faites des... J'avais envie parce que je me suis dit, c'est assez déconstruit. À Kandinsky, à Picasso, au cubiste, à tous ces gens qui ont fait au futuriste, etc. Alors. Mais moi, si vous voulez, dans cette période d'endormissement et d'anesthésie culturelle, c'est vrai que c'est des gens qui pètent tout, qui creusent des galeries vers le ciel, qui vont contre les gens qui savent, moi qui me réjouis. C'est vraiment des aérateurs. C'est des gens des années 20, et vous avez écrit la pièce dans les années 70, et qu'est-ce qui vous a aujourd'hui donné envie de la remettre sur scène? J'ai non seulement mis sur scène, mais je l'ai même réécrite. J'ai même été contre les gens qui sont inattaquables. On se paye Shakespeare, on se paye Mozart, on se paye tous les gens qui nous étouffent d'admiration, qui nous engluent devant l'absolue admiration. Il y a Hippolyte Girardot dedans ou pas? Non, il n'y a pas Hippolyte Girardot, parce que depuis 14 ans que je dirige ce théâtre, je veux qu'Hippolyte Girardot vienne, mais c'est ma petite carotte qui est devant moi, et après laquelle je cours. On l'appelle comme ça, si on l'appelle la carotte. Mais pour revenir à ces trois types, je trouve que c'est, on en a besoin aujourd'hui. Ça claque, ça va ailleurs. C'est des gens qui sautent dans le vide, qui trouvent d'autres planètes et qui nous permettent des choses que tout nous interdit. C'est des gens, comme le disait Skutner, qui ne regardent pas la réalité en face, qui la regardent en farce. Et je dis Skutner parce que c'est un surréaliste belge. À dessin, bien sûr. Oui. Belge. Bien joué. Là, elle connaît tout de suite. Là, la corde sensible a vibré, voilà. Skutner. J'avais envie de respirer. Surréaliste belge, c'est un pléonasme. Oui, c'est vrai. Voilà, pour. dans cette période un petit peu donc d'endormissement et d'anémie, d'anesthésie. Oui, d'anesthésie. Oui. On vous conseille donc Par-delà les marronniers au théâtre du Rond-Point. Mais on rit beaucoup aussi. Hein. C'est des gens qui ont dit des choses merveilleuses. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Rigaud qui dit « Le jour se lève, ça vous apprendra ». C'est quand même des choses magnifiques. C'est vraiment des gens qui... Moi, je vois le spectacle tous les soirs. Il y a Michel Faux, il y a Daboville, il y a Lassens, qui sont des acteurs, et puis des filles qui dansent, qui chantent un musical. C'est avec une cantatrice magnifique qui s'appelle Aurore Rugolin. Moi, je vais revoir ce spectacle comme si ce n'était pas moi qui l'avais fait, tellement c'est bien. Mais vous pourrez le retrouver dès demain. C'est du mardi au samedi à 20h30 au Théâtre du Rond-Point. Puis il y a ensuite une tournée, notamment à Montpellier en septembre, ou à Saint-Étienne en octobre, ou au Théâtre de Liège en Belgique, Patrick de Scutner, en décembre. Presidente Obama en Cuba. Oi, Gorillaz et ce remix un peu cubain, Feel Good INC. Oui, c'est Incorporated, Incorporation, bien sûr. Vous êtes sur France Inter, en compagnie de Jean-Michel Ribe, auteur et metteur en scène de Par-delà les marronniers, qu'on peut voir au Théâtre du Rond-Point en ce moment. Et tiens, l'idée de cette pièce vous est revenue par un... Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que je l'avais créé il y a longtemps, ces trois poètes sublimes et drôlatiques et insolents qui sont foutus en l'air. Et quand tout d'un coup mes camarades de toujours ont été assassinés, je parle des gens de Charlie Hebdo, il y a un an et demi, ils me sont revenus dans le cœur et dans le ventre. Et je me suis dit, c'est les mêmes, la même insolence d'être, la même capacité de rayer le verre, de casser les vitres qui nous étouffent, d'enlever les formatages. J'ai eu envie de leur rendre hommage avec des gens qui leur avaient déjà rendu hommage 100 ans avant. Voilà, au Théâtre du Rond-Point, en ce moment, Jean-Michel Ribes. Alors, nous sommes aussi en compagnie de... Eh bien, par ordre d'apparition, Mélanie Bauer, Guillaume Meurice et Hippolyte Girard. Et tout de suite, l'information, bien sûr. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, Salah Abdeslam a donc passé sa première nuit en prison hier. Espérons qu'il ne va pas se radicaliser. Nouvelle perquisition au siège du parti Les Républicains. Les juges envisageraient sérieusement de transférer leur bureau au sein même du siège du parti. Il y aura des brèves parce que vous pouvez rien dire, Charline, aujourd'hui. Notre invité, il aime les brèves. De comptoir. Salah Abdeslam a donc été arrêté vendredi à Molenbeek. Saluons le travail de la police belge qui a réussi à arrêter le fugitif sans l'aide de Sean Penn. Oui, pas mal, mais quel destin ce Salah. Il est passé tout près de 72 vierges et il va finir en prison à ramasser la savonnette. C'est bien triste. Ça risque de piquer un peu et pas à cause du savon. Barack Obama a aussitôt appelé le Premier ministre belge et François Hollande pour les féliciter. Mais Barack Obama a eu peur d'appeler Laurent Wauquiez car c'était vendredi soir et il lui aurait répondu, bien sûr. Oui, on se rappelle dans une interview de gala, Laurent Wauquiez avait dit « Si Obama me téléphone un dimanche, je ne répondrai pas. Voilà. Sans doute les autres jours, oui. Suite à l'arrestation, les premiers mots de Salah Abdeslam furent « Content que ce soit terminé, je n'en pouvais plus. » Oui, donc il n'a pas fini de se foutre de notre gueule. Politique à présent. Oui, avec une nouvelle perquisition donc au siège du parti Les Républicains. Les forces de police semblent d'ailleurs avoir opté pour une nouvelle méthode. Voilà, la méthode dite de Forêt. Perquisitionner un lieu où on ne s'attend vraiment à trouver absolument rien et espérer que Nicolas Sarkozy se trahisse en fuyant par les toits. Les Républicains toujours avec une interview pour Sciences Po TV. Oui, et c'est Nadine Morano qui donne une interview à un prétendant journaliste et lui dit « Attention, les journalistes, c'est vraiment une sale race » et elle lui explique les risques du métier. Moi, j'ai entendu des papiers sur des radios en parlant de moi sans même savoir ce que j'avais fait comme étude, sans même savoir quel avait été mon parcours, rien, mais en me faisant passer pour la dernière des cruches, tout simplement parce que je ne suis pas dans le formatage qui leur convient. Mais oui, c'est les journalistes qui l'obligent à confondre Renaud l'entreprise et Renaud le chanteur. Mais alors, quand on lui demande qui la snob, elle reste très classe. Mais je vais pas donner des noms, mais j'en ai tellement en tête que non, je suis pas là pour faire la balance. Ça, je trouve ça vraiment très très beau. Mais alors, 15 secondes plus tard, le journaliste veut changer de sujet, pose une autre question. Et dans votre famille. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Regardez sur France Inter, je ne suis jamais invité à la matinale. Jamais. Ce qui paraît, j'ai pas le profil pour être invité à la matinale de France Inter chez Monsieur Cohen. Jamais. Jamais, jamais. Je crois que Patrick a un peu peur de tomber sous son charme. Moi, je peux peut-être faire un truc pour elle, hein, par contre, si elle est dispo. Ah, Guillaume est disponible, il vous reçoit, Nadine. Politique toujours. Oui, les militants de l'UDI ont voté. Ils ne souhaitent pas prendre part à la primaire à droite et au centre. Ils veulent rester indépendants, oui. C'était dimanche. D'ailleurs, si Laurent Wauquiez les appelle, ils ne décrocheront pas. Et enfin, ce week-end, Philippe Poutou s'est lancé. Oui, il a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Sacré coup dur donc pour Jean Lassalle, qui était archi-favori pour 2017. Mais là, Poutou se présente, ça va sérieusement changer la donne. International. 88 ans après la dernière visite d'un président américain à Cuba, Barack Obama est arrivé hier à La Havane. Oui, donc il ne pourra pas appeler Laurent Wauquiez avant 2 jours. Hein, ça va lui faire un sacré coup. International toujours. Attention, petit quiz. D'où vient ce son? Sarko. Eh oui, c'est la folie. Non, c'est l'accueil de Nicolas Sarkozy à l'université d'Abidjan. Et on sent que l'homme africain est rentré dans l'humour. Allez, sport à présent. Oui, Benjamin Kompore, champion de France de triple saut, a changé de pied d'appel après 13 ans suite à de multiples blessures au pied gauche. Il déclare, c'est comme si on demandait à Nadal de changer de bras après 15 ans de carrière. Oui, c'est pas si impressionnant. Hollande a fait pareil après 30 ans de carrière, lui. Ah, jingle pub. La publicité commerciale va venir sur France Inter, Jean-Michel Ribes, vous savez. Et la bonne nouvelle, c'est que Las Palais et Chevalier feront toutes les pubs. Appelez-moi le directeur. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que la MAF, c'est mieux que la Matmut. Ah oui, monsieur. Et ben pourquoi? Quand vous arrivez à la Matmut, est-ce que les filles dansent? Ben non. Ben voilà. Je l'aurai. Un jour, je l'aurai. Oh là là là là. Est-ce que vous touchez à chaque fois que la pub MAF passe? Non, énormément d'argent. Mais ça me ferait plaisir pour vous quand même. Ça tombe bien cette affaire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avec Roland Topor, quand on avait fait d'abord notre première Merci Bernard, on a été dévastés, pillés par la publicité. Des tas d'idées qu'on avait se retrouvaient dans la publicité, les lunettes qui mettaient les gens à poil, etc. Et un jour, Roland m'a dit, il faudrait vraiment qu'un jour... Palace s'empare de la pub que la pub s'empare de Palace. Et c'est quand ils sont venus nous demander ça, des années après, en disant c'est un torture test, on le veut, moi j'ai dit je veux pas faire ça. Et pour les mettre au défi, je leur ai dit d'accord, mais vous reconstruisez intégralement le décor, vous prenez les mêmes comédiens, le même je fais pas, etc. Et ils m'ont dit oui. Vous avez mis les petites conditions. Oui. Vous avez été piégé. Jean-Michel Rive est avec nous. On peut voir par-delà les marronniers au théâtre du Rond-Point en ce moment. Et on va aborder avec vous le premier sujet d'actualité. Puisque les partis n'arrivent pas à renouveler la classe politique, que faire ? À part une primaire, un groupe de citoyens va même jusqu'à proposer un boycott de la présidentielle, mais un boycott actif. Ailleurs, il existe d'autres façons de sélectionner les responsables politiques, mais pas en France. En France, on a toujours un poil de retard. Écoutez. La Suisse attire les comptes en banque. Les Anglais ont un humour exquis. Le Nicaragua produit la cocaïne. Et la revend au meilleur prix. La France des photocopies. La France des photocopies. Camille, extrait de l'album I Love You. La France, que fait-elle des photocopies ? Jean-Michel Rive. Il y a deux tribunes dans Libération aujourd'hui, dont l'une d'ailleurs propose un boycott actif de la présidentielle pour ensuite réinventer un système électif. Je voulais vous demander d'abord tout simplement, est-ce que vous, Jean-Michel Rive, aujourd'hui, vous vous sentez représenté par quelqu'un dans la classe politique ? Oui, il y a quelque chose d'un peu dadaïste en ce moment dans la politique française qui ne me déplaît pas. Il y a un bordel formidable, je ne sais pas d'où ça va sortir, mais il y a quelque chose qui commence à être moins ennuyeux que d'habitude. En plus, j'ai l'impression que tous ces gens qui s'accrochent au XXe siècle sans jamais vouloir le quitter, sans jamais vouloir une espèce d'ancien régime qui se tient et tout, va commencer à craquer. Vous avez remarqué que les siècles commencent toujours 15 ans après leur début. Louis XIV mort en 1715, on commence le XVIIIe siècle. Waterloo, 1815, le XIXe siècle. La guerre de 14, le XXe, eh ben, on y est, nous. On est au XXIe siècle. Il va se passer quelque chose. En plus, je pense que cette histoire de tirage au sort est assez amusant, est assez excitant, tiré au sort. Et puis il y a cette formule finalement d'Alphonse Allais que j'aimais beaucoup, qui disait que finalement peut-être le meilleur des systèmes politiques serait la dictature tempérée par l'assassinat. Je pense qu'on devrait y réfléchir. C'est vrai que ça fait envie. Voilà l'explication de Jean-Michel Rive à travers le regard de l'artiste. Donc c'est dadaïste en ce moment un peu. Oui, non, mais là, il y a un dadaïste. Mais regardez Hollande, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, regardez ce qu'il y a autour. C'est pas tellement mieux, mais je trouve qu'il a quand même quelque chose d'assez étonnant. Il tient, il s'en sort. Il y a quelque chose. Lui il s'en sort. Les autres pas, mais lui. Non, mais je veux dire, un jour, il est au pays de je sais pas quoi. Le lendemain, il est avec des associations. Il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est assez. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, qui remue. Ça fait un. Peut-être pas encore des étincelles, mais ça risque de prendre. On a trouvé quelqu'un de positif en France. Ah oui, non, mais c'est vrai. On a trouvé quelqu'un qui a dit Hollande, c'est pas mal déjà. Est-ce que vous avez entendu? C'est quand même un record. Je dois dire que une de ses grandes qualités, avoir été la poubelle de la mauvaise humeur des Français. C'est-à-dire que quand même, c'est formidable. Les Français sont toujours de mauvaise humeur, toujours. Et ils ont trouvé quelqu'un qui les soulage. Votre chien est malade, c'est de la faute d'Hollande. Vous avez la grippe, c'est de la faute d'Hollande. Il y a quelqu'un qui n'a pas mis son chewing-gum au bon endroit dans la rue, c'est de la faute d'Hollande. C'est extraordinaire. Sarkozy, il s'entoure. C'est en général l'homme qui mais dirige. Mais Sarkozy est délinquant, pas Hollande. Ah, tout d'un coup, un petit froid dans le studio français. Est-ce que ça veut dire que vous êtes la dernière personne à ne pas regretter d'avoir voté François Hollande ? Mais je pense qu'on est beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais personne le dit. Alors, c'est pas que je regrette, c'est qu'est-ce, si j'avais voté pour quelqu'un d'autre, est-ce que ça aurait été mieux ? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et la vraie réponse, c'est quoi ? Et la vraie réponse, c'est que je ne suis pas. C'est qu'il n'a pas voté pour Hollande. il a fait sa campagne. Alors là, la vraie, ça aurait été la vraie réponse, c'est que je pense que quelque chose va s'inventer dans la dernière année. Vous savez, il y a quelque chose qui va s'inventer. Les gens vont être assez surpris. Écoutez, on est aux aguerres, Jean-Michel. Alors, moi, je vous pose une question. Qui ? Allez-y, qui ? Parce qu'il y en a un, il y en a quatre par jour. Ouais. Vous trouvez qu'ils sont plus excitants ? Dites-moi qui ? Ah bah justement, moi je ne me sens pas représentée par exemple. Donc d'où ma question. Ils s'en foutent, ils sont belges. Oui, d'accord, on est c'est tous vrai, d'accord. Dans le fond, j'avais oublié. Moi, j'ai tellement envie de voter en France, ça m'énerve. Mélanie Boer. Bah après, peut-être aller à Cuba, ouais, à Cuba pour chercher des gens de gauche. Si vous n'êtes pas dissident, tout va bien, oui. Barack Obama donc et sa famille sont arrivés hier sous une pluie battante, comme Hollande, quand quand il voyage. À l'aéroport de la Havane, le président américain a tweeté « Que bola, Cuba !» Comment ça va, Cuba? Eh ben, ça va bien. Qu'ebola, Cuba. C'est quoi l'ebola? Ça veut dire quoi qu'ebola en comment espagnol? Comment ça va? Mais c'est du de l'argot. D'accord. Alors voilà. D'accord. On imagine donc bien Barack et sa femme hier soir se balader dans la vieille Havane, bras dessus, bras dessous, sous leur parapluie, en écoutant ça. C'est un classique. Compay, compay. Non. Buena Vista Social Sauf Club. Sauf que Buena Vista Social Club, enfin, ce qu'il en reste, c'est plus trop à la mode à Cuba. Même si ça l'est toujours à la Maison Blanche, hein, puisqu'en octobre dernier, pour symboliser le rapprochement entre la Havane et Washington, le Buena Vista avait chanté quatre chansons, dont celle-ci, hein, le légendaire Shan Shan. Obama expliquait alors, je cite, « Lorsque le documentaire du cinéaste allemand Wim Wenders est sorti autour de 1998, j'ai acheté le CD pour ceux d'entre vous qui sont trop jeunes pour vous en souvenir, c'était le truc rond hein, qu'il fallait glisser dans un appareil. 9 millions d'exemplaires de ce truc rond se sont vendus à travers le monde, permettant le succès d'autres groupes cultes cubains comme Compay Segundo, plus du tout à la mode aujourd'hui non plus. Cuba, c'est plus du tout comme ça. Je vais vous sortir tout de suite de votre imaginaire, rempli de cocktails au rhum et de robes rouges virevoltant dans de petites rues jaunes colorées. Cuba, c'est pas du tout la French Riviera. Là-bas, déjà, les arpèges de guitare, ça a disparu et c'est dépassé. À Cuba, dès 1995, les raperos font leur entrée sur la scène musicale, nourrie de la culture américaine diffusée sous le manteau. Le premier festival raperos, c'est les rappeurs. Les rappeurs, bien sûr, oui. Comme Richesse. Le premier festival de hip-hop s'organise en 1995 à Alamar, une ville dortoir de la périphérie Havanaise, la culture graffiti et la revendication sociale est née, notamment avec des pionniers, le duo de rap cubain Los Aldeanos ou mon préféré Kumar. Ça, c'est de la musique. Un poco de rap, un poco de jazz, un poco de... Mais on peut préférer Compay Segundo, c'est autorisé. Oui, vous faites ce que vous voulez. Mais de toute façon, le rap, c'est déjà ringard. Excusez-moi, à Cuba aussi. J'ai senti ça. En 2002, l'Institut de la musique crée l'Agence cubaine du rap, une reconnaissance institutionnelle qui tue le genre. 4 ans plus tard, le festival d'Alamar s'arrête et le rap végète. Il est remplacé par le reggaeton, une musique créée au Panama, popularisée à Puerto Rico, puis qui débarque à Cuba pour devenir le cubaton, avec comme pionnier star Gente de Sona, grosse collaboration avec Enrique Iglesias, peut-être ça vous dit quelque chose. J'aime beaucoup le père. Et Marc-Anthony aussi, peut-être ça vous dit quelque chose. Le groupe Gente de Sona connaît un succès mondial, tellement mondial qu'ils seront à Paris au Zénith vendredi prochain. Vous allez y aller, je pense. Avec Jean-Michel Ri, je sens qu'il... Oui, oui. Mais viendra avec moi. Mais bien sûr. Moi, j'ai peur, mon noir. On ira voir Gente de Zona. Oui. C'est du cubaton. Ça, c'est à la mode. Ah, voilà, bien sûr. Cuba rayonne donc. Un grand concert gratuit sera donné à la Havane. Ça sera donc samedi à la Havane. Ça se danse avec la main dans la culotte, ça vous savez. Ouais. Ce sera pas du tout avec du cubaton, ce sera avec le Buena Vista Social Club anglo-saxon. Alors il faut prononcer les Rolling Stones. Ah voilà, ce sera samedi. Et puis beaucoup plus frais, hein, nos charmantes jumelles Ibéi, les filles du célèbre percussionniste cubain Anga Diaz. Naomi aux percussions, cajon et tambour, Elisa au piano. Elles chantent en anglais, en yoruba. Elles sont chouchoutes de France Inter. Ibéi nous invite à découvrir le festival Musicabana. C'est début mai à la Havane, le plus grand rassemblement de musiciens internationaux à Cuba depuis toujours. Un festival gratuit pour les Cubains et payant pour nous, IBI. Come to river. I will come to river. soul. I will come to your river, wash my soul again. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints, let the river take them, river. IBI, River, et le tout proposé par Mélanie Bauer. C'est Cuba. Voilà. Libré, 17h38 sur France Inter, en compagnie de Jean-Michel Ribes, auteur et metteur en scène de Par-delà les marronniers au Théâtre du Rond-Point, avec notamment Maxime Daboville, Michel Faux, Hervé, comment prononcez-vous Lassins. Lassins. Ouais, voilà. On peut croire que c'est belge, mais c'est pas vrai, c'est du sud-ouest. Ah, mais c'est bien quand même. C'est bien quand même. Jean-Michel Ribes est avec nous jusqu'à 18h. J'imagine que vous avez une sensibilité un petit peu UDI. Ah quelque oui, part, qui doit sommeiller bien profond. Oui. En tout cas, Guillaume Meurice va la réveiller. Oui. Moi, je suis assez surpris parce que je ne vous ai pas vu hier à Versailles. Vous n'étiez pas au grand congrès de l'UDI, non ? On faisait une pétanque. Ah, d'accord, non, parce qu'en même temps, il y avait tellement de monde que voilà, dans toute cette foule, c'était dur de se retrouver. Toute la France s'était donné rendez-vous pour l'événement politique majeur de ce début de siècle, à égalité avec le pique-nique citoyen de Nicolas Dupont-Aignan et la raclette partie d'Hervé Mariton. C'était très, très impressionnant. Ça bouge vraiment hein, du côté du centre. C'est fini, la gauche, la droite, c'est terminé. Oui, le centre existe, n'est-ce pas, jeune militant UDI ? Il existe, même si on croit médiatiquement qu'il est peu présent. Il existe, il y a des gens, il y a des militants. Il y a, Mais je vois, il y en a au moins 4 ou 5 là déjà. 4 ou 5, où ? 4 ou 5 ? Là déjà, vous êtes 2. Ouais. Et là, derrière vous ? Ouais, une dizaine. Ouais, bah 10, 2, là, dans la salle 1000, enfin peu importe. Là, c'est 1000 dans la salle ? Je sais pas, j'ai pas compté. Oui, on va pas compter, ce serait trop long. Hein. C'est même plus facile de compter ceux qui n'étaient pas hier au grand congrès de l'UDI. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Et les jeunes centristes, on les connaît, hein, c'est des gars qui sont capables de monter des barricades sur le côté de la route, hein, pour pas gêner la circulation. Mais quand même, c'est des mecs qui, pendant la Révolution, auraient fait monter Louis XVI sur l'échafaud pour lui couper les ongles des pieds. Hein, c'est des mecs qui n'hésitent pas. Ils ont des idées, les jeunes UDI. Par exemple, l'UDI Tour. Qu'est-ce que c'est ? Demandons au vice-président des jeunes UDI, Simon Ollet. On prend notre vélo, on part visiter les villes et rencontrer les gens dans toutes les villes de France. Est-ce que c'est une bonne idée de parler de l'UDI en puant la sueur ? Ah bah c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à certains moments, mais au moins voilà, on arrivait comme on est. Et oui, c'est ça la force de l'UDI, l'authenticité, pouvoir aller à la rencontre des gens en collant moule burne et en juste au corps fluo, c'est l'esprit de l'UDI Tour, créer un réflexe conditionné hein, si toi aussi tu pues la transpi, vote UDI et viens au prochain congrès, il y a plein de trucs cool, comme quoi Simon ? Le stand gourmudise dans lequel on vend le stand quoi pardon ? Gourmudise. Qu'est-ce que c'est que ça ? On vend des gâteaux. Les gens, en échange d'un gâteau, et nous donnent tout simplement de l'argent pour soutenir l'action du DJ. Qu'est-ce que c'est comme gâteau ? Alors, il y a des gâteaux de tout. C'est un peu l'histoire du centre. C'est-à-dire que même dans les gâteaux, vous n'arrivez pas à vous situer. Si vous faites une métaphore par rapport au gâteau, alors là, je pense que... Là, on n'est pas dans de la haute politique, mais bon. Pardon, ok. Je ne filerai donc pas la métaphore du gâteau hein, en disant qu'il y avait des financiers, comme chez les Républicains, des flancs pour faire plaisir aux socialistes. Il y avait même des quiches hein, pour séduire le modem. Non, on va plutôt parler haute politique. Parlons du projet de l'UDI, parlons des idées de l'UDI avec un militant historique. Alors, comment elles sont les idées de l'UDI ? Ah, c'est des idées nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme idée nouvelle ? Il y a des débats assez intéressants, et puis voilà, on va bien voir, hein. Ah oui, mais ça, c'est pas des idées. Ouais, mais bon, il faut, comme si, comme ça, il faut changer, parce qu'on ne peut plus continuer dans ces conditions. Bon, alors, attendez, citez-moi une idée qui vous plaît à l'UDI. Écoutez, moi, je ne fais pas de la politique, hein. Ah ! Alors, c'est pas évident, hein. Vous avez votre carte à l'UDI, non ? Oui, bien sûr. Ah, bah donc vous faites de la politique? Déjà, rien que ce matin, déjà, j'avais pas envie de partir. Bon, il avait pas envie déjà de venir au congrès et il est venu quand même, c'est déjà pas mal. Il a certainement pensé à ces millions d'enfants dans le monde qui auraient rêvé d'être à sa place et de voir Hervé Morin comme ça en vrai. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, mais c'est pas très concret. Alors soyons plus concrets en allant voir le think tank de l'UDI. Il s'appelle Les Idées, hein, c'est le nom du think tank. Et parlons de la fameuse loi travail qui permet de virer les gens plus facilement, hein, qu'on devrait donc appeler loi licenciement. Qu'est-ce qu'on pense de cette loi à l'UDI? On l'avait en quelque sorte imaginée. Ah bah du coup ils l'ont fait à votre place déjà. Alors ils l'ont fait à notre place mais ils vont pas assez loin en fait. Ah bah ça les Républicains ils disent ça. Alors les Républicains oui ils disent ça, mais après il y a toujours des petites nuances en fait entre les Républicains et l'UDI. Alors quelles sont les nuances sur la loi du travail? Alors sur la loi du travail là, vous, là, comme ça. Alors, ça se trouve, je vais vous faire quitter l'UDI pour les Républicains. Non. Bah si, on a la pression quand même, hein, ou pour le PS, ou pour le MoDem, ou l'amicale des boulistes de nos gens le retrouve. De toute façon, au centre, c'est le bordel. C'est un autre militant qui me l'a dit. C'est historique au centre de se diviser. Il y en avait qu'un qui les a unis, c'est Borloo. Mais parce qu'il n'était pas centriste. Ah, donc faut que ça soit un mec qui soit pas centriste, qui réunisse les centristes. Le centriste, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis radical. Est-ce que vous êtes radicalement centriste, ça veut dire? Non, je suis radicalement français et européen. Oh, j'ai cru que j'étais tombé sur un extrémiste du centre. Un mec qui allait gueuler Giscard Akbar comme ça. Non, non, c'était juste un militant qui déplorait la division des centristes. Et surtout qu'hier, le numéro 2 du parti, Yves Jégot, a boudé le congrès. Il était aux États-Unis à un colloque, je vous jure que c'est vrai, sur la fuite des cerveaux. Hein, c'est toujours plus facile quand la blague est directement dans l'actualité. Donc je suis allé voir le numéro 1 de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que la famille UDI est rassemblée? Elle est évidemment rassemblée. Mais alors, où est Yves Jégot? Yves Jégot ne peut pas venir aujourd'hui, j'avoue que je ne sais pas pourquoi. Mais très franchement, tous les autres sont là. Tous les responsables qui représentent des familles politiques du centre sont ici aujourd'hui. Ah, c'est le numéro 2 quand même. Et Yves, qui a choisi de choisir quelqu'un d'autre qu'un UDI, c'est une curieuse façon de construire le parti. Il est bienvenu quand il a envie. Et voilà, je pense qu'il va venir, hein, Yves, hein, surtout qu'il vient d'apporter publiquement son soutien à Bruno Le Maire. Donc une belle unité à l'UDI, comme partout hein, d'ailleurs. Vous voyez, à l'UDI, on dit toujours qu'il faut prendre les idées et les méthodes à gauche et à droite. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils font, sauf que bien souvent, ils prennent les pires. Merci Guillaume Meurice. Ça me semble aussi dadaïste, le centre, l'UDI, Jean-Michel Ribes. Oui, il y a un côté cadavre-ski. Exactement. C'est tout à fait ça, c'est joliment dit. J'aime beaucoup votre regard là-dessus. Alors profitons-en, Jean-Michel Ribes, deuxième sujet. Le gouvernement travaille à un avant-projet de loi. Je vous entends dire au secours autour de cette table. Non, c'est un avant-projet de loi consensuel, cette fois destiné à apaiser la société. La possibilité de prendre 6 jours de congé pour se consacrer au bénévolat pour les personnes déjà impliquées dans une association. Moi, j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile, c'est tout. La Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à 3 doigts. Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Mais bien sûr, bien sûr. Mais Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes et hop. Comment ça tient tout de même? Bon, on dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Le Père Noël, bien sûr. Jean-Michel Ribes, l'idée, donc 6 jours par an, de lâcher son boulot pour une activité tournée vers les autres, j'imagine que c'est le genre d'idée qui a vos faveurs. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, il faut pas déjà faire partie d'une association. Oui, il faut être donc plutôt président, trésorier, mais ça toucherait ça. 3 millions de personnes quand même. Quand même, oui. Ouais, ce qui est pas mal. Écoutez, oui, je trouve ça pas mal. Moi, je pense qu'on peut donner tout le temps, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Et c'est pas... Alors, si c'est pour prendre des vacances, et prendre 6 jours de vacances, c'est une autre chose. Mais si c'est pour donner, je pense que on n'a pas besoin d'une obligation. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut se faire naturellement et tout le temps. On peut le faire à l'heure du déjeuner, on peut le faire, voilà. Ah oui, fractionné. Mais il y a quelque chose dans le côté forcé, ouais. Devenez tous Mère Teresa, qui me semble un peu... Là, c'est vraiment une proposition. On peut prendre les jours qu'on veut et fractionner sur l'année pour aider. Oui, non, mais pourquoi pas. Ça crée mais du lien social. On peut aussi, les gens qui en ont vraiment envie, peuvent prendre 365 jours sur 365 aussi. Pour donner. C'est vrai. Je Est-ce crois. Que vous vous situez dans ces gens-là? Dans quel genre? Des gens qui donnent 365 sur 365. Moi, je ne suis pas un saint, mais c'est vrai que je suis très, très bouleversé par l'histoire des migrants. Je ne suis pas du tout en train de rigoler de ça. quand je vois des gens, j'ai des amis comme ça, ça me semble incroyable qu'une partie de l'humanité se coupe d'une autre partie de l'humanité. C'est comme si tout d'un coup, c'était des animaux et qu'on s'en foute. Il y a quelque chose là qui est, puisqu'il faut tout casser, tout recommencer et avoir une vraie révolution, comme l'ont fait les dadaïstes quand on voyait chez l'art, les gens qui savent, la science et tout ça, là, il y a quelque chose à revoir. Je crois qu'il y a quelque chose à revoir parce que les gens qui sont derrière les grilles, c'est nous quand même. C'est exactement nous. Et si c'était nous, on se traiterait mieux. Et donnons nos 6 jours alors. Comment ? Donnons les 6 jours à ces associations alors. Plus, mais bien sûr, plus, pour ceux qui s'il peuvent, vous plaît, plus. Charlie, plus. S'il vous plaît, moi je vois votre sourire charmant et je suis sûr que vous allez faire plus. Vous allez presque on va plus, faire venir, vous allez plus venir à la radio. Vous êtes un dragueur d'ONG. Ah, mais... Jean-Michel Ribes, l'homme de théâtre, attention, une entrée à la radio. Alors on a un pro. Oui. Parce que Hippolyte Girardot ayant disparu, nous avons une collègue, une amie comédienne, Sharon de Des Moines. Sharon, hi, Alex. Let me introduce Jean-Michel. Why, Jean-Michel, you know. I'm so wow, you know. Je suis très mouillé de vous rencontrer, Mr. Ribes. Parce que Alex m'a dit, tu es grand monsieur du théâtre français et surtout du théâtre de gauche. Alors, officiel, théâtre officiel de la France, tu vois, ce qui est la capitale mondiale de la culture de gauche. Alors, Alex me dit que vous faites une revue sur les arbres avec les marronniers, tout ça, mais moi je me suis dit, alors peut-être vous aimez beaucoup les revues, les vrais, les musicals, non? Alors, écoutez, vous souriez, vous êtes d'accord pour écouter. Alors, you're cool, Mr. Reed. Cool. Alors, vous savez, nous, in America, on a un problème avec un candidat qui s'appelle Adolf Trump. Oh, c'est terrible. Well, he scares the caca out of me, Adolf, you know? Il dit du bullshit all day long et tout le monde, il adore, je ne sais pas pourquoi. Moi, tu vois, j'aime le théâtre, j'aime le show, j'aime le danse, j'aime m'amuser avec toi, peut-être, je ne sais pas. Et je sais danser, I love it, you know? Mais je ne peux pas aimer un type que je ne connais pas du tout le goût en musique ou alors en movie ou whatever, you know? Et qu'est-ce qu'il aime, lui, Adolf? Scheiße, je ne sais pas, moi, ce qu'il aime, tu vois? Alors que tu vois, Obama, écoute-moi bien. Obama, God bless him. Tu sais ce qu'il aime? Écoute ce qu'il aime, écoute. How does a bastard, orphan, son of a whore. Alors je traduis, c'est Alex qui m'a fait la traduction. Comment un bâtard, orphelin, le fils d'une pute d'un Écossais, fut engendré un soir de cuite dans une île des Caraïbes? Comment un miséreux, un métis, devint un héros et un vrai savant? Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Écoute bien. C'est amazing, c'est l'histoire de Alexander Hamilton qui devient le premier secrétaire d'État du Trésor des États-Unis et le conseiller de George Washington, non quand même, alors que c'est n'importe quoi au départ, hein. Amazing. Alors Obama et Michelle sont allés au théâtre, au musical, ils ont adoré et ils ont invité l'auteur à la Maison Blanche. Et là, Obama a fait un vrai discours de gauche. De gauche, bien sûr. Et même ensuite, ils ont quasiment rappé ensemble, Barack et le mec, avec des mots impossibles, genre constitution, démocratie, déchéance, nationalité. Anyway, Barack et Obama, fuck me, they're so cool, non? Comment? Où ils sont aujourd'hui? Ils sont à Cuba, tu vois. Et je te dis pas comment ils vont foutre le feu au Tropicana Club, hein, parce que c'est de là. Ils adorent danser. Tu vas sur Spotify, tu écoutes leur playlist, c'est Otis Redding, Fergie, Q-Tip, Nappy Roots. C'est pas Reagan et Nancy, excuse-moi. Non. Alors écoute-moi, Jean-Michel, écoute-moi. C'est un plaisir pour moi. J'espère que Hippolyte va pas revenir pour m'empêcher de parler. Écoute. Alors, je me demandais comment c'est chez vous aussi la culture, tout ça. Parce que, bon, vous avez déjà le mec de gauche. De gauche. Dans la petite maison beige, là, le lycée, que vous appelez le lycée. Et que vous avez le théâtre, Jean-Michel, vous êtes une top de théâtre. Alors pourquoi pas faire le hip-hop avec une histoire comme ça, non? Ce serait good. Et puis après, le président, votre président, il vient et il snap avec ses doigts le hip. Ah, ok. Non, le président ne danse pas. Ok, c'est pas grave. Il connaît pas le hip-hop, c'est pas grave. Mais peut-être, oh, peut-être sa lady, non? Sa femme, peut-être qu'elle fait... Ah, d'accord, ok. All right, no problem. Jean-Michel, ben, écoute, je suis vraiment fucking sorry, tu vois, parce que tu es emmerdé maintenant. Parce que fait l'histoire de l'esclavage, tu vois, avec de l'accordéon, tout ça. Oh my god, c'est pas la France de 2016, on va pas y arriver complètement, hein. C'est dommage parce que, tu sais, le refrain de Alexander Hamilton, c'est très beau, écoute. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. Il y a des milliers de choses que je veux faire. Mais attends un peu. Oh, it's a pleasure. Such a pleasure. Hippolyte Girardot. Non, mais restez comme ça, vous êtes parfait. Oh, le bisou. Ah, American. Hein. Alors, je vous conseille chaudement la vidéo parce que c'est toute une partie qui est. C'est une revue en soi. C'est une revue, les travestis. Il y a quand même un apport de libido important à ce moment dans l'émission. Est-ce que vous pensez que ça fera un bon acteur, cette personne? On peut en parler hors micro. C'était chaud, Hippolyte Girardot. Alors, il se démaquille, il revient autour de la table avec Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, tiens, à propos de l'anneau de Jeanne d'Arc, Philippe de Villiers nous dit, je le cite, c'est un petit bout de France qui revient, une parcelle de nos grandeurs déchues. L'anneau a fait une entrée triomphale au Puy du Fou ce week-end où il a fait rêver les foules. Et donc, tu espères un jour participer, c'est un rêve, hein, peut-être pour toi, participer à un spectacle dirigé, mis en scène par Philippe de Villiers, peut-être un rêve encore inaccessible, tu as bien peu d'expérience, avoue-le. Mais peut-être que dans un coin de France, un petit village qui dirige un son et une lumière saura t'ouvrir les bras. Viens avec nous, participe avec nous au beau spectacle que nous allons offrir. Tout ce qui m'intéresse, c'est les rôles de princesses. Bon, oui. Allez, oh ! Au trot, Fernante. Allez ! Car nous avons encore une grande route à parcourir. Allez ! En route pour le Puy du Fou. Les chiens, bien sûr. Oui, Jean-Michel Rive, vous alliez déjà. Ben oui, c'est-à-dire que je me pose une vraie question, parce que cette histoire d'anneau, on donne un anneau quand on est fiancé, donc c'est son fiancé qui lui a donné un anneau. Donc la pucelle d'Orléans, il faudrait peut-être aller revérifier un peu tout ça. ça va être compliqué, parce qu'on est déjà pas sûr. Pourquoi il n'a pas fondu non plus avec le feu? Elle l'a enlevé, elle lui a donné, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas sûr ce soir, mais c'est le symbole, nous dit-on, au Puy du Fou. Oui, je pensais aborder ce sujet, parce qu'on voit bien dans les sons et lumières du Puy du Fou, on voit cette parenté avec ce qu'on peut voir au Théâtre du Rond-Point. Oui, Il y a une véritable filiation entre les deux. Oui, oui. Donc je me disais... Ça doit vous émouvoir, ça, que l'anneau soit rentré en France pour donc plus de 376 000 euros, 350 000 euros de dons, notamment réunis en 48 heures. C'est là qu'on voit que la solidarité joue à plein, Jean-Michel. Il faut le donner, on parlait tout à l'heure de je sais pas quoi, des 6 jours et tout ça. Voilà. Du bénévolat. Eh bien, que si vraiment Jeanne d'Arc est une sainte, il faut qu'elle donne cet argent, Jeanne d'Arc, de son anneau. Mais oui. Nono, des seigneurs des anneaux. Finalement, Philippe de Villiers, est-ce qu'il n'avait pas ce petit côté un peu avant-gardiste? Oui, il est arrivé trop tôt, finalement, parce que dans la période où C'est un vrai homme. Alors, lui, c'est vraiment la gauche de la gauche de la gauche, quoi, la générosité absolue. Vraiment, c'est quelqu'un qui est le Puy du Fou, déjà, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est un spectacle vraiment de gauche. Il y a des milliers de gens qui ne savent pas jouer, qui jouent. Enfin, c'est formidable. Ça fait travailler beaucoup d'intermittents. Oui, oui. C'est très beau. Il y avait même des saints syriens là, donc les intermittents saints syriens, c'est une nouveauté. Il a peur de rien, Philippe de Villiers. C'est peut-être à ça qu'on le reconnaît. Jean-Michel Rive. Moi, j'avais dit, quand il refusait absolument que la Turquie vienne en Europe, je lui avais dit qu'on pouvait faire un échange, que la Vendée se taille de l'Europe et qu'on prenne la Turquie à la place. C'est une bonne idée. Évidemment. Il avait adoré, j'imagine. Il adorait. Oui. Il est abonné au Rond-Point. C'est vrai. Oui. Mais Jean-Michel Rive a des solutions. Et tiens, Jean-Michel Rive, l'acteur, le comédien, on a envie j'aime de ça. J'aime beaucoup. En fin d'émission, c'est toujours la tradition du sketch que nous faisons faire à notre invité. Et vous, je vous ai donné le rôle du pape. Ça vous va? C'était la moindre des choses. C'est ce que je me suis dit, ça lui plaira. Et aujourd'hui, il avait une petite visite, parce que Nicolas Sarkozy était venu il y a quelques années avec Jean-Marie Bigard. Et aujourd'hui, mais il est venu en toute discrétion avec Carla. Nous, on sait ce qui s'y est passé. Écoutez. Chouchou, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, j'envoie un texto. Non, chouchou, je sais que tu es un grand écrivain, mais nous sommes arrivés au Vatican, là. Oui, c'est ça. Oui, et moi, je suis le pape, peut-être. Non, le pape, c'est moi. Votre sainteté, patientez 2 secondes, je termine un SMS. Un SMS, quel ringard. Moi, je suis sur Twitter et Instagram. Ah oui, vous avez combien de followers? Chouchou, c'est pas le concours de celui qui a la plus longue. Surtout qu'avec moi, chouchou pourrait perdre. Ah oui? Non, vous m'intéressez, mon petit François. Je vous intéresse? Oui, j'ai jamais eu d'homme d'église. Calme-toi, monsieur François. J'aimerais que vous priez pour moi. Vous n'avez pas trop péché? Ah non, je suis blanc, enfin, je suis blanchi. Chouchou, comme tu es drôle. À propos de chouchou, à propos du mot, il n'est pas là, le gars de la dernière fois? Jean-Marie Bigard? Non, c'était trop subtil. Chouchou avait des migraines. Je vois. Bon, que puis-je pour vous? Bon, qu'est-ce que vous pensez de monsieur Juppé? Vous voulez parler de celui qui va emporter la première? Oh, votre sainteté, allez-y doucement. Chouchou pourrait faire un malaise vagal. Qu'est-ce que vous pensez de Bruno Le Maire? Vous voulez parler de celui qui va arriver deuxième à la primaire? Oh, votre sainteté, mais vous voulez que Chouchou ait une attaque? Laisse faire. Je maîtrise la situation. Ah, je vois aussi que François Fillon va arriver troisième. Bien sûr, oui. Et Mariton 4. Oh, Chouchou, calme-toi. Ah, oui. T'inquiète, j'ai changé. Je suis très calme. Ah, je vois aussi que si Philippe Poutou se présentait à la primaire, les Républicains, ils pourraient vous devancer. Philippe Poutou? Oh, moi j'adore les Poutous. Votre sainteté, c'est impossible, vous avez pu. Faites attention à ce que vous dites, monsieur Bismuth. Mais François a raison, calme-toi, Chouchou. Enfin. Mais oui, c'est ça. Ouais, allez, casse-toi, pauvre pape. Ça a dû se passer à peu près comme ça. Oui. Mais bien sûr. Jean-Michel Ribes, donc dans le rôle du pape. Oui. Ben oui, voilà, comme ça, c'est une forme d'absolution. Oui, en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose qui me ressemble assez. Ah oui? Moi, le pape, voilà, oui, c'est pas mal. Vous remonteriez sur scène si on vous donnait un rôle de pape? Ça dépend, peut-être. Ah, c'est peut-être le début d'une histoire. Oui. Jean-Michel Ribes, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, rigolard. Ça a été très agréable. Je reviendrai donc demain. Voilà. avec plaisir pour la suite de Par-delà les marronniers, bien sûr au Théâtre du Rond-Point. Vous êtes l'auteur et le metteur en scène. C'est jusqu'au 24 avril, du mardi au samedi à 20h30, le dimanche à 15h. Et puis vous partez en tournée, par exemple à l'Opéra Orchestre National de Montpellier. En octobre, ce sera à Saint-Étienne. En décembre, au Théâtre de Liège, en Belgique. À Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille. Un tour de France. Allez, le mot de la fin à l'avant-projet de loi sur le bénévolat. Moi, j'ai presque terminé mes gants pour mes petits lépreux de Jakarta. Je trouve ça complètement inutile. C'est tout, la Croix-Rouge, ça me demande de faire des gants à trois doigts. Alors dites, vous ne croyez pas que j'aurais plus vite fait de faire des moufles? Si je peux me permettre. Une bonne paire de chaussettes et hop. On dit ces bêtises quelquefois.